Bon, déodorant glacé, 12 kilos, 20 douzaines fois 12, les 240 là. Ben, vous n'êtes mi coûté 225. Ce bon, le million de métiers de l'eau, ben, mon motif, nous, ben, mon compagnie, ben, vous n'êtes quitté 225. 225. Légi ñom so xolé tamit bagage yi nga xamanteni dafa xawa bari soko mëne tamit xol nokoy écouler par exemple en gros ki ñi ngi faral jëndé yor ci échantillon dem nen masalan yi ni yor na ci kattan so ci soxla mën na la jaay nga tek ci ben prix bu ndaw bu bokk nak li ngay jaay dal di koy jaay parfois tamit pour mu gëna gaaw quoi surtout lu jëm ci walu parce que déodorant peut-être du yaqku mais yeneen bagage yi nga xamanteni day bari peut-être yow di nga ci gëna xam lool di nga ci gëna xam li ma ci jublu daal barkaloo fi.